traitée par un décret d'une expérience. Mais par contre, je sais ce que c'est un synopieux, ça, oui. Mais projet de créer des infrastructures de congrès dont un espace qui peut accueillir plus de 5000 personnes. Excusez-moi, on ne voit plus rien en fait avec la lumière. Y a-t-il un Fondation Oui. Et il a donné un tableau qu'il a fait justement comme ça. Oui. Et il a fait un petit discours parce que personne ne voulait vraiment. Oui. Et il a dit oui, voilà, pour nous, on donne de. L'important c'est si une chaîne télévisée prend ça, achète ça et fait des séries en télévision, ça lève beaucoup le prix. Oui. Et il a dit ah oui, voilà, c'est encore un secret, mais au Canada, quelqu'un achetait ma bombe. Et oui, voilà, alors achetez-vous. Et après, il dit et la deuxième chose qui peut augmenter la valeur de mon Disney. Et si l'auteur est mort, il a dit oui, voilà, attendez-vous 10 ans. Oui, voilà. Il est encore jeune. Oui. Mais il était très amusant. Oui, oui. Les effets sont pas toujours super, ou en tout cas ce qu'il en reste, mais ça fait partie de la Puis j'arrive au tourisme, qui représente quand même 6% des rentrées du PIB de la Wallonie. C'est supérieur à la moyenne européenne. Quand même, on est bien pour les touristes. Il y a un nombre important d'entreprises touristiques, surtout des PME, des TPE et des indépendants. C'est un secteur d'avenir pour la Wallonie. Image de marque et notoriété internationale de la région Wallonie. Il y a deux chantiers qui sont mis en route, faire de la Wallonie une destination touristique d'excellence. Et donc vous avez comme ça, par exemple, les musées ont reçu tous un document pour montrer, ils ont des points si vous voulez, et donc ils ont complété et en fonction de leur score, ben, ils ont, je ne sais plus, ce n'est pas des soleils parce que ça c'est un autre truc, mais un point, trois points, cinq points, ils peuvent afficher ça à l'entrée du musée, puis ils peuvent avoir des petites subventions en échange. Meilleure organisation des compétences pour une efficacité maximale. Donc c'est toujours la même chose. On rationalise, on fait comme ça des économies, mais c'est vrai qu'on assure une meilleure efficience à priori. Alors, pour faire de la Wallonie destination touristique d'excellence, notamment, il y a une stratégie touristique régionale, bien sûr. On va mettre en avant les sites naturels, les villes d'intérêt historique, culturel ou patrimonial, le patrimoine matériel et immatériel. Tiens, mais c'est peut-être pas dans la commune, mais qui t'a occupé de ça. Ah oui, mais non, parce que c'est lié aussi à l'UNESCO. Ah bon, c'est la région. Événements culturels et folkloriques, là ça reste quand même un peu du patrimoine matériel. Gastronomie, et alors il y avait quatre événements qui étaient prévus dans ce plan-là, c'était évidemment 2015, les 200 ans de la bataille de Waterloo, le centenaire de la Première Guerre mondiale et les 70 ans de la bataille des Ardennes. C'est très guerrier. Là. Franchement, à partir de 2015, oui. Alors, évaluation et adaptation récurrente de tous ces projets, bien entendu. Plans de développement touristique provincial et intercommunal sont soutenus par la région aussi et doivent s'inscrire, bien sûr, dans les plans régionaux. Promotion via des packages touristiques. Attention particulière aux grands sites touristiques en termes d'heures d'ouverture, d'accueil multilingue, parce que ça, c'est quand même un problème pour le parfois, d'accessibilité au PMR, donc personnes à mobilité réduite, et de dessert des transports en commun, ce qui est aussi un problème pour le Et puis, là je vous en parlais, développement touristique des lacs de l'Oder qui devrait arriver à une autonomie financière complète et ne plus avoir d'apport de la région. Alors, le deuxième point, c'est la meilleure organisation des compétences pour une efficacité maximale, avec une meilleure formation des travailleurs en langue, en accueil, hein, que vous ne vous retrouviez plus au château de Bouillon à vous présenter à l'entrée, là, pour avoir le ticket d'entrée et puis jusqu'à la carte ICOM. Donc, c'est l'association internationalisée, ça va être accès à tout. Alors, je ne sais pas, vous n'avez qu'à payer 10 euros. Et si j'étais anglophone, ben, je n'aurais pas eu l'explication en anglais, ça c'était clair. Le soutien technique accru aux opérateurs, l'optimisation des investissements, donc on valorise les propriétés publiques, notamment via des agences comme le CGT, le Commissariat Général du Tourisme, l'IDEO et l'Institut du patrimoine wallon, etc. Et on va de nouveau rationaliser les acteurs publics. Donc, on a créé un conseil supérieur du tourisme et on a veillé, et ça c'est effectif, à réduire le nombre de maisons du tourisme parce qu'il y en avait beaucoup trop et finalement ils ont fait des maisons du tourisme qui couvrent le plus grand territoire. Alors, ça c'était le tourisme. Maintenant, le patrimoine. Alors là, les listes, ça n'a pas l'air comme ça parce que je vous donne la réalité, c'est juste un point. Alors, c'est surtout évidemment les monuments et sites puisqu'ils ne peuvent pas faire grand chose d'autre. Donc, premièrement, ceux qui sont liés au site UNESCO. Alors, on va protéger le patrimoine en essayant, grâce à ça, de mener un essor dans les secteurs économiques, culturels et touristiques. On a un souci de cohérence patrimoniale. Donc, c'est là que je vous parlais tout à l'heure du fait que la région voulait avoir la compétence sur le patrimoine immobilier à l'intérieur des biens classés. C'est dans le programme. Ça tient en une phrase. Et quand on a reçu la déclaration politique régionale au service, évidemment, tout le monde. Putain, vous avez vu, on page machin, ils disent qu'ils veulent le premier, ça va pas du tout. Et donc, moi, j'ai interpellé mon secrétaire général, quoi. Donc, on a une réunion avec le secrétaire général pour fournir nos actes. Attention, qu'est-ce qu'ils veulent. Ce qui vaut, pour l'instant, c'est complètement dans le flou. Je crois que, à part quelques fonctionnaires à la région Wallonne, les autres ont oublié. Programmation des interventions sur le patrimoine public via des conventions cadres, donc ils font des contrats programmes. Hein, ils ne font plus des trucs. Conclut des pactes avec les communes et d'autres pouvoirs publics, ou les provinces en général, mais ça peut être la fédération aussi, pour des investissements prioritaires, mais on n'explique pas ce que c'est, même si c'est prioritaire. Partenariat public-privé, opération de mécénat, avec un renforcement des synergies entre les politiques patrimoine, logement, culture et tourisme, Et enfin, régime fiscal adapté aux travaux de restauration des biens classés. Donc, vous avez des avantages fiscaux si vous possédez une maison classée et que vous y entreprenez des travaux, outre le fait que l'Institut patrimonial normalement vous donne un peu d'argent pour ça, puisque le bâtiment est classé et que ce n'est pas vous qui avez demandé la structure classée. Alors, des stratégies de classement par critères objectifs, par exemple, quel est l'intérêt régional pour classer ce bien par rapport à sa portée locale. On va mettre l'intérêt régional en avant, évidemment. Le renforcement des liens entre les montants des subventions et l'intérêt patrimonial et l'affectation du bien. Donc, on ne va pas donner, je ne sais pas moi, 5 millions d'euros à un chacun dont le château est classé, mais dont il interdit l'accès à part une fois pour les journées du patrimoine. Donc, on ne peut même pas aller se promener dans le parc. Mise en œuvre du zonage archéologique. Donc, il découpe la Wallonie en zone archéologique pour les fouilles et les compagnies. Simplifier les conditions d'accès pour les artisans et les petites et moyennes entreprises à l'entretien et aux petites réparations de biens classés. Donc ça, c'est des histoires de marché public qui sont simplifiées parce que sinon, c'est... Enfin, là, par exemple, mes collaborateurs mettent en place une exposition qui va valoriser des robes au musée Rox. Des robes qui sont à nous, qui sont en dépôt là-bas. Enfin, nous, la fédération, je ne sais pas moi. Si ça, c'était à moi, je serais rire. Et en fait, ils me disent, oui, mais il va falloir payer les affiches pour faire la promotion en dehors de la France. Je dis, ok, gamine, oui, c'est juste ça, 5 000 euros. Ok, gamine, moi, il me faut 3 dates de tout. Donc, tu vas me trouver 3 distributeurs d'affiches dans de la France qui couvrent la double que tu veux payer. Quoi. Ah, mais c'est ça, avec oui, c'est ça, c'est rien. Parce que moi, si je fais pas ça, mais je peux après être dans la maison, là, parce que tu es la notion de marché public, on connaissait aussi la double. Alors, sensibiliser les jeunes à la protection du patrimoine, ça c'est très bien. Nouvelle technologie pour visibilité et attractivité du patrimoine wallon et le code du patrimoine. Un ensemble de dispositions qui sont liées à tous ces aspects-là. Alors, je n'ai pas tout mis, sinon il sera encore. Alors, qui fait quoi la région wallon? On a le service public de Wallonie, donc l'administration, le ministère. La DGO4, alors O, ça veut dire opérationnel, je vous l'ai mis. Donc, Direction Générale Opérationnelle 4, aménagement du territoire, logement, patrimoine, énergie. Patrimoine, c'est le mot à retenir. Quand vous voyez ça, c'est ah, c'est la bonne voie. Département du patrimoine réparti en 3 directions, direction de l'archéologie, direction de la protection du patrimoine, direction de la restauration du patrimoine. Et puis, c'est adjoint à l'administration, il y a la Commission Palais des Monuments, Sites et Fouilles, il y a ça à Bruxelles aussi d'ailleurs, qui a été créé en 1835, qui a une chambre pour toute la région wallonne, et puis il y a des chambres de la province, et l'Institut du patrimoine wallon, qui est donc une agence de la région wallonne créée en 1999, et qui a donc plus d'autonomie financière. Mais il y a aussi la DGO6, qui elle s'occupe d'économie, d'emploi et de recherche, parce que dans l'économie, l'emploi et la recherche, il y a emploi. Et là, il y a 5 départements, hein, bon voilà, je ne vais pas tous les lire, mais ça, c'est là que vous allez trouver tout ce qui est possible comme aide à l'emploi en région wallonne. Donc il y a par exemple les APE, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les points d'APE. Donc c'est aide à la promotion de l'emploi qui permet d'engager du personnel supplémentaire, mais c'est réservé au secteur non marchand, donc tout ce qui est culture, par exemple, les pouvoirs locaux et l'enseignement. Donc ça donne des points d'APE. Ça permet de réduire de façon drastique les cotisations patronales en termes de sécurité sociale. Ça donne aussi une indexation automatique du montant de la subvention en fonction de l'évolution de la liste des prix à la consommation, bien sûr. Et alors, il y a des points APE qui sont plus spécifiques, mais qui sont donc réservés uniquement aux marchands et aux pouvoirs locaux pour des projets déterminés dans le cadre du plan Marshall 4.0. Je vais revenir, qui vise à renforcer l'activité économique de la région. Alors, il faut savoir qu'il y a une réforme pour l'instant en cours de tout ce qui est politique des points APE. Donc, toutes les associations qui ont un certain nombre de points qui ont été accordés vont certainement en paix. Parce qu'il y a moins de sous et donc ils font une rationalisation. C'est le maître mot, c'est rationalisation. Alors, il y a les subventions PTP aussi. Programme de transition professionnelle, je ne les ai pas toutes reprises, hein, parce que sinon c'est un cours en soi. Pour engager des chômeurs complets indemnisés ou des personnes pouvant bénéficier du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale ou financière. Donc ça participe à la réinsertion professionnelle. Et dans ces cas-là, il y a des conventions qui sont signées avec le forum, l'employeur et le travailleur. Alors, il y a le subside ciné pour l'engagement d'un travailleur, réduction de cotisations sociales au NSF sont permises grâce à ça. Et alors, l'institution, là, ça peut être aussi, en fait, une PME, par exemple, va avoir une aide, un subside salarial, donc qui correspond à une allocation de réinsertion qui sera déduite du salaire payé par l'employeur. L'employeur récupérera une petite partie du salaire qu'il paye pour le travailleur en question. Alors, le plan Marshall 4.0, c'est un plan resserré. Parce qu'avant, il y avait un autre, l'année passée, j'ai présenté un autre plan. Le plan, c'était pas Marshall, là, c'était... Mais on a eu, si vous vous rappelez, le plan Marshall 2.0, il y a eu 3.0. Les mesures donc, sont données prioritairement pour le redéploiement économique de la Wallonie. La politique industrielle fondée sur l'innovation est mise en avant et les principes de bonne gouvernance. On est content quand on voit ce qui se passe avec lui. Hein. C'est très bien. Alors, le capital humain est considéré comme étant un acte. Donc, on va renforcer ce capital humain en aidant la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaborant avec elle pour que les formations dispensées et subventionnées soient plus adaptées aux besoins du monde économique. Okay. Donc je suis assurée par exemple que la région va aider la communauté à former, et non ça va s'organiser. Elle va plutôt aider la communauté à former des spécialistes en marketing. Okay. C'est des choses qui vont renforcer le pouvoir économique de la région. Le territoire est évidemment comme partout une ressource essentielle du développement économique. L'efficacité et la transition énergétique doivent être garanties suivant l'économie circulaire et l'innovation numérique est évidemment le up-to-date. Alors, ça, c'est la région. C'est vite vu. Hein. Donc, je vous invite à quand même parcourir ces documents qui sont disponibles sur les sites de la région Wallonne et qui sont téléchargeables évidemment gratuitement puisqu'il s'agit de déclarations politiques. Alors, si on passe au niveau communautaire, donc communauté française, fédération wallonne Bruxelles, bah, c'est le même principe. Sauf que là, c'est fédéré pour réussir. Et donc là aussi, c'est là non plus, j'ai pas tout lu. Parce que moi, l'enseignement, il y a des choses qui s'enseignent à tout. Oui, je vais voir l'enseignement universitaire, mais je vais pas aller voir tout ce qui concerne l'enseignement fondamental, mais donc j'ai pas d'enfant, donc franchement, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors par contre, donc, je me précipite au point 12, culture. Qu'est-ce que nous avons au point 12 ? Soutenir la création, j'ai pas un mot là. Ça, c'est l'artiste. Renforcer l'accès à la culture, accessibilité, par exemple, via la gratuité, mais pas que. Assurer une meilleure diffusion et une grande valorisation de la culture et du patrimoine et poursuivre l'optimisation de la gouvernance culturelle. Donc, rationaliser les PO, les pouvoirs organisateurs, etc., pour qu'ils gouvernent mieux et qu'ils pratiquent de la bonne gouvernance. Idem, disponible sur le site gratuit. Donc, la culture, la déclaration dit quand même que la culture, c'est un pilier de toute société. Un vecteur primordial d'émancipation, de renforcement des liens sociaux et un levier de développement humain et économique. On retrouve un peu des choses, certaines choses de la région Wallonne. Le développement culturel territorial est indispensable pour intégrer au sein d'un bassin culturel l'offre des opérateurs culturels. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, notamment par rapport au pôle culturel du centre. Et tout ça doit se faire évidemment en fonction de ce que le public souhaite. Donc, l'usager culturel a des désirs, a des envies, a des besoins, et donc les politiques culturelles devront s'adapter à cela. Évidemment, on ne peut pas que s'adapter, ils doivent s'adapter en réfléchissant quand même, hein, parce que sinon, c'est comme quand vous avez un enfant éducateur et que vous faites ses quatre volontés. Quand même, on peut l'éduquer, le cadrer et l'apprendre aussi. Donc les actions seront menées sur plusieurs plans. Donc c'est sorti en 2014. Hein, ce truc. Renforcement de l'accès à la culture, soutien à la création, meilleure diffusion et valorisation du patrimoine culturel, c'est ce que je vous ai dit, optimalisation de la gouvernance culturelle, mise en place d'un mécanisme de concertation permanent avec les niveaux de pouvoir concernés par les compétences liées à la personne, à la politique communautaire, pardon. Économie, patrimoine, emploi, tourisme, formation continue. Qu'est-ce qu'on voit ? Économie, patrimoine, emploi, tourisme. Donc la communauté s'engage à collaborer étroitement avec la région dans ces domaines. droit pour les États de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques appropriées pour la protection et la promotion de la diversité culturelle, soutien à l'édition, la production et la diffusion du contenu. Ça, aujourd'hui, elle le fait aussi là. Promotion et défense de la politique relative à l'exception culturelle au niveau européen, organisation de manière du commerce, OCDE, c'est le truc de développement économique. Promotion de la langue française, là, c'est quand même son but existentiel, c'est protéger et promouvoir la langue française, et les langues endogènes dans les pays. Les langues endogènes, c'est les Wallons. Hein. Peut-être que vous savez, si jamais. Encourager la participation active de la Fédération dans les instances internationales et européennes défendant francophonie et diversité culturelle. Alors ça, effectivement, on a plein de collègues qui vont à des réunions, des grands messes comme ça, ils n'en sont pas toujours des choses concrètes, loin de là, mais enfin, on a le mérite de parfois faire changer certains textes internationaux, etc., de par l'intervention de nos experts. Alors, soutenir la création, c'est l'artiste au centre. Je vous rappelle le bouger des lignes, les lignes de Madame Milquet, la première coupole, c'était l'artiste au centre. Donc, accompagnement des artistes dans le processus de création, hein, vous avez toute une série de points qui sont mis en avant. Par exemple, on va développer les résidences d'artistes, donc dans les centres culturels, les musées, etc., les conventions, les contrats programmes, vont au maximum inclure le fait que l'association reconnue et subventionnée va organiser des résidences d'artistes. Personnellement, je ne m'occupe plus beaucoup des conventions musées. Si le musée lui-même n'a pas mis ça dans son plan stratégique, je ne vois pas pourquoi je vais imposer ça, surtout si je sais qu'il n'a absolument pas moyen de loger un artiste. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à appliquer. Bon, je ne vais pas tout faire, sinon on n'est pas fini. L'accès de la culture à l'école, ça c'est la coupole culture-école de Madame Milquet, principalement à la Crioli, hein. Nous ne voulons pas qu'elle nous vienne de la culture qui est faite, qui est d'ailleurs très bien. Là, par exemple, on va créer ou tenter de faire des synergies école-monde culturel pour assurer un accès à la culture et à la création. Et donc là, le cabinet nous a demandé de mettre en place un groupe de travail sur l'accessibilité des musées, donc pas seulement l'aspect gratuité, mais l'aspect accessibilité des transports, enfin géographique, accessibilité intellectuelle, accessibilité de langue, etc. Et je vous en ai déjà parlé, et donc il y a par exemple l'idée d'un pass musée qui émerge comme à l'image de ce que la Flandre est en train de mettre en place. Encouragement des collaborations entre les académies, les écoles et les opérateurs culturels. C'est vrai qu'il y a très peu, à part dans les centres culturels, les autres opérateurs culturels, oui, ils reçoivent des classes en visite, par exemple, ou ils vont parfois faire des animations dans les écoles, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de partenariat et de collaboration. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent être mises en place. Accès à la culture pour tous les publics. Les pratiques artistiques en amateur sont mises en avant. C'est pas de mon sort, mais c'est mon collègue Jean-Philippe qui s'occupe de ça. Et ça veut dire, par exemple, que si vous faites de la peinture dans une académie, eh bien, on va essayer de valoriser l'académie, de valoriser votre création. Mais c'est pas pour ça, je pense, qu'ils subventionnent les expositions de peintres du dimanche dans le centre culturel local. Ça, je crois pas. L'évaluation et adaptation des dispositifs pour l'accès à l'offre culturelle, pour les articles 27, etc. Donc ça, c'est vraiment pour les publics qualifiés de défavorisés ou différenciés. Qu'est-ce qu'on pourrait encore prendre là-dedans Oui, bah, la même chose, l'accessibilité pour les personnes handicapées, même si on peut plus dire ça, moi je le dis, parce que les gens sont handicapés. Et alors, concertation transversale et structurelle entre secteurs concernés par le livre et l'édition, où il y a des aspects comme ça spécifiques pour certains domaines culturels. Et c'est vrai que, bah, si aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, la place du livre et de l'édition est plus problématique que peut-être d'autres domaines culturels. Alors, promotion et diffusion adéquate des œuvres des artistes de la Fédération à l'Énoucelle, ben là, en fait, on retrouve un peu l'artiste au centre, sauf qu'une fois qu'il a créé, là, on va promouvoir son œuvre. Donc, on s'est dit, mais attends, mais le patrimoine, il est où là? Enfin, bon, c'est de la culture, n'est-ce pas? Donc, par exemple, mise en place de réseaux de lieux de diffusion, y compris les centres culturels. Donc, par exemple, si un artiste congolais vient se produire, un musicien congolais vient se produire, ben, il pousse à ce que des centres culturels se mettent ensemble pour qu'ils fassent une tournée entre eux, mais ça peut être des centres culturels et puis des salles de concert et des choses comme ça aussi. Repenser les tournées à Rivi, dont je vous ai parlé beaucoup. les chaînes publiques. Alors, pour ceux qui écoutent, est-ce qu'il y en a parmi vous qui écoutent la première? Non, c'est dommage, hein, en termes d'information, c'est quand même ça. Eh bien, faites-le, l'expérience, un soir, si vous lavez des dents après 10h du soir, le jeudi, par exemple, mettez la radio et vous allez entendre un avis. Et en plus, parfois les gens qui n'avaient pas besoin sont un peu plus gays, mais je n'ai jamais compris comment un pouvoir public pouvait donner de l'argent à la réalisation d'une mission pareille. Ça doit plaire à d'aucuns, parce que quand même, il va y avoir un audimat qui permet de poursuivre la subvention, mais sinon. Voilà. Et alors, promotion disciplinaire, un champ peu connu, comme les arts forains, les arts du cirque, les arts de la rue, ça, ce sont des disciplines qui ont vraiment pris de l'ampleur, même s'ils n'ont pas beaucoup. Mais ils sont beaucoup mieux reconnus que. On ne peut pas tout détailler, sinon vous aurez des liens. Alors, assurer une meilleure diffusion ou une plus grande valorisation de la culture et du patrimoine. Là, on parle de patrimoine. Bonne conservation de la richesse culturelle. Opportunité technologique en termes de valorisation et de préservation du patrimoine. Donc, on numérise. Hein, soutien des initiatives de numérisation pour une meilleure conservation et valorisation des œuvres et des collections. Donc on a le PEPS qui a été créé au ministère, qui est même dans le service général du patrimoine aujourd'hui, qui s'occupe de numériser des œuvres un peu partout dans les musées normalement reconnus, mais pas que, et qui les met en ligne pour 3fw.numérique avec sogo.be, vous pouvez trouver ce que le PEPS a numérisé. Et c'est bien parce que nous, du coup, on bénéficie de leur travail de numérisation, y compris pour les œuvres de la collection dont on a la responsabilité, ce qui permet d'ajouter ça dans notre inventaire pour l'illustrer. Une visibilité accrue des collections publiques par des expositions itinérantes. Alors, ça, c'est bien la preuve que les politiques ne connaissent rien. Parce que les expositions itinérantes, ce sera totalement des groupes. Vous n'allez pas faire des expositions itinérantes avec des chefs-d'œuvre ou des œuvres marquantes en art ou en patrimoine. Sinon, les œuvres, après, elles existent. Ou il faut les restaurer, ça coûte un bon moment. Mais visibilité accrue des collections publiques, et ça, je peux vous dire qu'en tant que responsable de la collection de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut même savoir que si on a quelques œuvres majeures, c'est quand même peu reluisant. Et donc, de là à les valoriser, ce n'est pas facile. Donc maintenant, on a quand même essayé de dresser une liste d'œuvres admissibles, je vais dire, qu'on propose par exemple au pouvoir public pour la mise en dépôt, c'est-à-dire pour décorer les bureaux des ministres ou des fonctionnaires généraux, des choses comme ça. Mais il y a aussi plein d'administrations publiques, des tribunaux, par exemple, qui vous donnent un téléphone, qui m'a dit, dites dans la salle, le tribunal, il y a un vieux tableau, mais quoi que ça vaut. C'est quoi? Ben, c'est plus libre. Donc j'envoie moi à la restauratrice. En disant, je ne sais plus rien, je ne sais même pas quand ça a été mis en dépôt là-bas, parce que je me rappelle qu'on gère une partie de la collection d'État. Et donc il faut aller chercher ça, le ramener, est-ce que ça vaut la peine d'être restauré? Alors on va le restaurer, il faut 3 heures de tribunal, et tout ça, et ça prend des plombs, et ça coûte un plomb. Et puis après, le tribunal dit, ah non, mais je ne veux plus. Et donc ça va dans les réserves. Et donc on ne sait même pas le valoriser, parce qu'en général, finalement, vraiment des comptes. Ou alors on a d'autres problèmes du genre au musée des beaux-arts de Trouvet, on a un tableau monumental qui fait, je ne sais pas, 5 mètres de haut sur 10 mètres de long, quoi, qui est donc intransportable, même dans notre camion pour les collections, mais qui est une œuvre majeure qui devrait être restaurée, mais on ne sait pas comment faire. Et en plus, comme le musée des beaux-arts de Trouvet va bientôt fermer les travaux, c'est pas bientôt, il va fermer les travaux, donc je dois aller le 5 avril et voir avec les conservateurs qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi. Parce que moi, pour moi, ça doit rester en place là, parce qu'on ne sait même pas de sortir de ma salle. Il a été mis presque avant qu'on tape sur la vue, quoi. Donc, enfin, là, moi, il a exposé, on le voit, mais il y a des histoires comme ça qui vont. Et c'est tous les jours, hein, ça me tombe dessus, des trucs pareils. Alors, poursuivre l'optimisation de la cohérence culturelle. Objectif de transparence, d'objectivation, de concertation des opérateurs culturels comme guide forme de l'instance d'avis dont je vous ai déjà parlé. On attend toujours des décisions. C'est en cours depuis 2014. On a fait des propositions de rationalisation. On n'a jamais eu de suite. Donc là, on va avoir une réunion au cabinet la semaine prochaine en avril. Et j'ai remis ça à l'ordre du jour une fois de plus. Je sais bien la 20e fois. Décloisonnement de l'administration en termes de politique culturelle. Alors là, par exemple, dans notre nouveau service général du patrimoine, ben, on décloisonne entre les quatre directions qui forment ce service général. Donc le PEX, le musée de Marimont, la cinémathèque que, hein, pas cinémathèque fédérale, et nous. Mais ça ne va pas vite tout ça, hein, donc je ne sais pas où on en sera en 2019 à la fin du plan de la déclaration de politique culturelle de la communauté. Code des matières culturelles pour simplifier les procédures, harmoniser les critères et les procédures d'octroi de subsides et intégrer dans un document unique les dispositifs de reconnaissance et subventionnement. Ça, je crois que c'est un goût pieux, même si ce serait bien utile, parce que tout simplement, on n'a pas le temps de travailler là-dessus, même si on essaie. Donc, en fait, en termes de culture, de la, au niveau de la communauté, ben, on a bien la démocratie culturelle qui est derrière ces soucis de politique culturelle de la Fédération. Et les pouvoirs publics rappellent tout le temps, à travers cette déclaration, enfin les pouvoirs publics, la région Wallonne aussi, hein, que leur bénéficiaire, c'est le grand public, c'est le citoyen, c'est l'usager, c'est pas l'opérateur. C'est ce que je vous ai dit la semaine passée. Ça transparaît clairement dans les textes. Alors, au niveau communautaire, on va passer au ministère. Merci. On le fait vite ? Allez, on fait. Sa mission, donc, c'est mettre en œuvre la politique du gouvernement, bien sûr, et notamment en matière culturelle, puisqu'il ne s'occupe pas que de culture, le ministère, une fois que le Parlement l'a approuvé. Mais le Parlement a approuvé cette politique. Donc, on a quelques 6 000 agents, répartis en 6 entités, 5 administrations générales, enseignement, culture, et la justice, et le secrétariat général, qui est une entité avec nous. Et donc, notre siège est, je le savent certains d'entre vous, au gouvernement de la politique. Voilà l'organigramme. Je passe les détails, et donc vous avez le grand trou et les sous-trous. Les voilà en photo, mais vous les regarderez à l'aise chez vous. Il constitue le comité de direction, donc il y a le grand trou, les 5 sous-trous, et puis il y a des directeurs en plus qui en fait dépendent directement du grand trou. Le directeur général de la fonction publique et des ressources humaines, le budget et les finances, la coordination de l'appui et l'infrastructure. Et mon grand trou à moi, celui de la culture, c'est un peu plus. Alors, donc, en 2006, a été mis en place le régime des mandats, donc par arrêté, des mandats pour les fonctionnaires généraux. Donc, tous ces gens-là que je vous ai montrés, ils ont des mandats de 5 ans, la même durée que le gouvernement. Sauf qu'ici, il y en a qui sont nommés plus tard, etc., donc ils ne font jamais les mandats de 5 ans. Après 5 ans, ils passent l'examen devant le gouvernement et le Parlement. Donc il y a le secrétaire général, les administrateurs généraux, les directeurs généraux adjoints, directeurs généraux adjoints, et les directeurs généraux, pour ceux qui restent, parce qu'il y en a plus beaucoup, sont nommés pour 5 ans, donc ça fait environ 50 personnes, et puis donc ils sont évalués par le gouvernement sur leur lettre de mission, leur plan opérationnel, et puis 5 ans après, sur le réalisé. Donc je ne dis pas, François, ah, il fait des chiffres, c'est ça. Alors il y a eu en 2008 une première phase qui s'appelait le plan CAPI. Avancer, progresser, innover, je peux venir sur la vérité. Donc avec des objectifs transversaux. Guidons l'action de l'agent du ministère. On a eu des réunions et des réunions et des réunions, et quand maintenant on demande des nouveaux trucs, on dit même à quoi ça a servi tout ce qu'on a fait avant. On n'a jamais les résultats, parce que nous on participe, hein, on alimente, s'ils veulent qu'on donne des idées et tout, mais il n'y a jamais de retour. Alors après ils ont décliné ça, en disant l'objectif stratégique et opérationnel pour l'ensemble de l'administration, mais on ne s'est pas retrouvé nécessairement dans tout ça. Alors, fin 2014, c'était la fin des premiers mandats, donc ils ont tous été évalués sur le fonctionnement de leur plan opérationnel. Et puis, en fait, ils ont quasiment tous été redéfinis. Donc, on ne sait pas très bien si ça sert vraiment à quelque chose. Et alors, ça a emmené en fait une multiplication des plans opérationnels, de développement durable, de simplification administrative, etc., etc. Donc, c'était plus possible de piloter ce grand machin qui est le ministère. Et les projets, en plus, dans les blocs, étaient plus importants que ce que les fonctionnaires devaient faire pour faire tourner la baraque, quoi. et pour donner les subventions aux agriculteurs. Donc, le comité de direction a décidé de faire pas table rase, mais presque, et de faire un seul cadre stratégique pour l'ensemble du ministère avec des priorités. Donc, on a fait un plan unique qui a été transmis au gouvernement pour la déclaration de politique commune. Alors maintenant, il y a le contrat d'administration, donc depuis l'année passée, véritable contrat, je vous en ai déjà parlé, entre le ministère et le gouvernement, avec des engagements réciproques. Nous, on travaille, eux, sauf que parfois, par exemple, là j'ai le cas d'un chauffeur préparateur qui s'occupe de préparer les collections et de les transporter. Le gars, il avait 20 sous, il est parti devenir chauffeur au cabinet Flao, parce que là, il gagne plus 50 travailler dans un cabinet. Et en plus, on a une voiture à disposition. Donc moi, je suis au cabinet Flao, oui, mais et moi, j'ai 3 à la place. Ah, rien, c'est pas prévu dans le contrat d'administration. Ok, ils sont que 3. On ira moins vite, hein, monsieur le ministre, pour vider les réserves. C'est comme ça. Hein, moi, je sais pas, c'est pas les Shiva non plus. Et c'est tout. Alors, l'administration générale de la culture a une mission. Créer les conditions du développement de l'accès à l'ensemble le plus diversifié de pratiques artistiques, créatives et culturelles, chez le maximum de citoyens acteurs et consommateurs, par un soutien financier, promotionnel, matériel et formatif aux personnes et organismes qui contribuent, afin de favoriser le développement humain des individus et de l'ancrage dans l'environnement culturel qui compose. Allez voir sur culture.meilleur si vous voulez plus de détails. Donc, l'administrateur général de vous voyez là, il gère 7 départements opérationnels, 2 services transversaux. Vous en avez la liste. Donc, audiovisuel et médias, lettres et livres, hein, parce que ça, on s'en fout en fait. Ça, c'est pour lui en interne, pour nous, les fonctionnaires. Ce qui concerne vous, ce qui vous concerne plus, ce sont ceux-là. Donc, lettres et livres, inspection de la culture. Ça, c'est une fois que vous avez des subventions dans les 5 autres, ceux-là viennent voir ce que vous faites. Action territoriale, création artistique, patrimoine, éducation permanente et jeunesse. Je vous le passe. C'est l'organigramme. Je vais bien vous montrer un truc. Moi, je suis là. Moi, je suis là et donc j'ai plein de collègues. C'est parti. Parce que je ne connais pas tous. On est plus trop. Enfin, on n'est pas assez pour le travail, mais on est trop pour pouvoir bien se faire. Alors, l'administration générale de la culture, le budget à l'engagement 2017, je l'ai laissé en rouge parce que je n'ai pas les derniers chiffres. C'est comme ça. Non, là, c'est comme ça. Donc, fin 2016, il y avait 400 000 euros à peu près, 400 millions d'euros, 400 000 dans le gouvernement, de budget culture. Alors, ça, c'est la direction à lui. Je passe, vous lirez la diapositive si ça vous intéresse. Donc, c'est les gens qui vraiment font les problématiques transversales à les services généraux de la culture. Service général audiovisuel et médias, donc le SIAM en abrégé, c'est pour ça qu'on en parle dans la maison. Les missions de gestion, c'est le cinéma, la production audiovisuelle en général, la radio-diffusion, la télévision, l'aide à la presse écrite. Et donc ils ont des outils, donc qui sont le mandat administratif, le centre du cinéma et de l'audiovisuel, la diffusion des médias, les services d'appui transversal, puisque vous avez l'administrateur général, il a ses services d'appui transversaux, et puis chaque directeur général adjoint a aussi son service d'appui transversal. S'occupe des RH, du budget, etc. Là, le budget initial, donc à l'engagement 2017, ça c'est un chiffre confirmé, 303 584 000 euros. Je crois que la dotation de la RTB est là-dedans. S'ils ont 303 millions rien pour eux. Voilà le page à côté de la queue. Oui. Non, en fait, sur les 400 millions, en fait, les 3 quarts vont au. Niveau communautaire. Alors, lettres et livres, là aussi c'est une petite période parce que c'est 21 millions d'euros. Donc, promotion du livre et de la lecture, aide à la création littéraire, l'édition, diffusion d'auteurs belges et langues françaises, promotion de langue française et en domaine. Direction, donc il y a de nouveau 5 outils qui sont soit des directions, soit des services. Le budget engagement 21 538 000 euros. Je vous mets chaque fois le lien aussi vers le site quand il y en a un, parce que, enfin quand il y a des pages dédiées, parce que ce n'est pas toujours le cas. Voilà leur page d'accueil. Tout ça doit être refait. Il y a dans la cellule stratégique de l'administrateur général, ils travaillent sur le look de ce qu'il y avait, c'est le 3 ans. C'est le général d'instruction de la lecture, là ils n'ont pas de page de garde. Donc c'est une approche globale des inspecteurs culture qui Et puis il y en a d'autres qui sont responsables de domaines. Donc il y en a qui sont spécialisés en musée, en archives, etc. En général, un musée archive, c'est le même, mais il y en a un qui va être plutôt création artistique et tout ça. Et ils vont du temps. Donc inspecter, ben, c'est pas nécessairement coercitif, hein, c'est aussi aider et surtout conseiller les institutions culturelles un peu partout, enfin, en fonction de leur territoire. Et puis ils participent à des CA, des réunions avec les autorités communales, provinciales, etc. Pour certains, ben, M. Manet, il fait ça. Et donc parfois, enfin, souvent le soir, lui, il est en réunion, un petit coup de papier. Alors il y a un travail de décloisonnement interne et externe, où là aussi ils essayent donc, de faire de la mutualisation, de l'intertransversalité. Ils travaillent en réseau et ils essayent de créer des partenariats entre les associations, les pouvoirs publics et parfois des partenaires privés. Donc les outils, c'est les directions, qui sont des directions évidemment décentralisées. C'est une organisation elle aussi territoriale. Ils ont un service d'appui juridique et financier très utile, parce que nous, quand on a un musée, on fait ça avec un peu, on leur envoie aussi, ils nous envoient. Service d'appui transversal, service d'appui juridique et financier, donc en termes de droit aussi, ils sont très, très utiles, notamment pour les projets européens. Intérêt, ils doivent les aider, tout ça, c'est pas bien. Alors, le Conseil général de l'action territoriale, le SGAT, la mission, elle n'est toujours pas sur le site. Dans le SGAT, existe déjà l'année passée. Donc, il s'occupe des centres culturels, de la lecture publique, donc les bibliothèques, le centre de prêt de matériel de Nanine, s'il y a des scouts parmi vous, ils sont peut-être allés à Nanine chercher des plantes et des bancs, et les services Point Culture, qui sont les anciennes médiathèques. Il y en a un ici, notamment. Donc là, c'est 26 millions. Oui, j'ai pas le budget de la section. Je n'ai pas mon budget. Donc, je dois demander, redemander, parce que j'ai déjà demandé des passants, on n'a pas répondu. Où est-ce qu'il se trouve dans le budget du gouvernement? Mais il n'est pas dans tout ce qui est notre division organique de l'hôpital. Oui, c'est division organique, hein, je ne vous ai pas dit ça, mais non, c'est des 24. Donc, ils n'ont pas beaucoup de sous non plus, là. Alors, oui, je vous ai mis la direction des centres culturels, mais ça, donc, vous avez dans PowerPoint montré un peu ce qu'ils font. IA, c'est un sans avis, c'est centres culturels. Là, ça, vous pourrez le trouver par déduction. Voilà leur page d'accueil. La lecture publique, donc c'est les bibliothèques, les réseaux de bibliothèques, etc. Également, ils ont aussi une page d'accueil. Donc, il n'y en a pas pour le service général, mais il y en a pour les entités. Le budget de Nanine, sur la page, il est marqué chiffré tout et bien en attente. Mais je le trouve, je vous dirai, mais c'est pas une ligne. Voilà Nanine. Alors, le service général de la création artistique, donc c'est ce qui rassemble l'ancien service des arts de la Seine et le service des arts plastiques. Donc, c'est deux, dans le budget, c'est deux divisions organiques parce qu'historiquement, c'était complètement séparé. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui correspond à ce que la coupole artiste au centre a développé, avec la diffusion artistique, l'encouragement, etc., la production artistique dans tous les domaines. Mais ils ont six domaines principaux, l'art dramatique, musique classique et contemporaine, musique non classique, danse, art forain, du cirque, piano de la rue et art plastique. Donc, ils ont des priorités. Donc, chez nous, c'est bien détaillé, hein, pour les missions et tout. Et ils ont bien sûr un service d'appui transversal et ils ont déjà un budget un peu plus gros puisqu'ils ont 96 500 000 euros à peu près. Voilà leur page d'accueil actuelle. Alors moi, donc le service général du patrimoine, la mission n'est pas en ligne non plus, c'est comme le SGAP. Les outils, ben, c'est les quatre entités d'évaluation du patrimoine, le PEPS, la Sénatec et le Musée Royal de Marimont. Et notre budget, attention, Marimont n'est pas compris dans ce budget. Mais les trois, et c'est pas, non, pardon, je fais une erreur. Le budget de 15 105 000 correspond aux trois premiers, donc il n'y a pas Marimont. Et dans ces 15 105 000, c'est à peu près 14 millions et quelques qui sont pour le patrimoine culturel. Non, un peu moins de 14 millions. Donc, je supervise la gestion par rapport aux subventions, etc. Dis-toi, reviens. Alors, je vous ai mis la page d'accueil de la direction de la patrimoine culturel, puisqu'il n'y a pas de page d'accueil du service général de la patrimoine. Donc là, vous trouverez toutes les infos en termes. Et donc, eux, ils ont aussi un peu plus d'argent, hein, c'est en 2 millions d'euros. Voilà leur page. Alors, quel type de subvention la communauté peut délivrer? Donc, il y a environ 500 conventions et contrats programmes en cours dans le domaine culturel. Ça, c'est énorme. Il y en a déjà une centaine, ce qui est musée sans l'archive, et donc il y a beaucoup de récents qui font. Et alors, il y a le théâtre aussi, mais c'est moins nombreux. Donc, les conventions, c'est une convention, c'est un acte juridique passé entre deux ou plusieurs parties, définissant les devoirs et obligations de chacun, souvent pour plusieurs années. C'est de 4 à 5 ans en moyenne. La convention, c'est un contrat programme, c'est la même chose, sauf pour la réglementation, si une réglementation précise la nature du contrat programme ou de la convention. Donc, si un décret dit que cette convention est de tel type, alors c'est pas équivalent. Dans le secteur de les arts de la scène, donc les arts de la presse artistique aujourd'hui, le décret du 10 avril 2003, par exemple, dit que les conventions, c'est 2 ou 4 ans, alors qu'un contrat programme, c'est fatalement 5 ans. Mais quand on a un contrat programme, on ne peut pas bénéficier d'aucune aide supplémentaire, ponctuelle, en termes de culture, de la fédération. Tandis qu'on a une convention, on peut avoir des aides ponctuelles supplémentaires. Donc il y a une nature juridique importante, différente pour ce secteur-là. Mais en musée, on appelle ça des conventions, et pourtant c'est très rare que le musée bénéficie d'une aide ponctuelle supplémentaire. Alors, la diversité de fréquence, donc il y a des subventions dites ponctuelles ou extraordinaires, et les récurrentes dites ordinaires, qui sont elles, donc il y a une convention ou un contrat programme, par exemple. Il y a des diversités de nature, bien sûr, les subventions peuvent être liées à la discipline, donc patrimoine mobilier ou matériel, danse, théâtre, jeunesse, musique classique, etc., ou au fonctionnement ou à l'infrastructure. Mais ça implique, par exemple, que si vous avez une subvention pour fonctionnement, vous devez en aucun cas utiliser cet argent pour faire du gros œuvre en infrastructure. Et vice versa, une subvention à l'infrastructure, vous pouvez être utilisée pour subventionner une troupe de théâtre. Donc, les natures de subvention sont à respecter. Sinon, on dénonce la convention ou contrat programme ou on exige le remboursement de la subvention. Alors, il y a des outils. Un outil qui a été mis en place par la région et la fédération qui s'appelle l'ABC des démarches. Alors, pour vos travaux, avec M. Vallée, pour l'examen, etc., allez-y. Bon, c'est en cours de perfectionnement tout le temps, parce que les voix changent, etc. Mais franchement, j'ai fait le test, et je trouve que ça a bien évolué depuis l'année passée. Et donc, il suffit de bien cocher, parce que vous devez dire si vous êtes un citoyen d'entreprise ou un pouvoir local. Puis après ça, vous devez choisir si c'est la culture ou pas le financement de la justice. Puis après, vous avez chaque fois une requête plus précise. Et puis, hop, apparaissent tous les services ou les types d'aide auxquels vous avez droit pour ce que vous demandez. Donc, mais en région wallonne, il y a une communauté française. Hein. Parfois, ils renvoient aussi à d'autres aides qui ne sont pas financées par ces pouvoirs publics-là. Mais là, ce n'est pas exhaustif, les renvois. Tandis que les subventions, normalement, de ces deux pouvoirs fédérés sont bien listées sur. Je ne sais pas si on appelle ça un site. Voilà, en détail, enfin, en plus grand, la page d'accueil. Donc, ça, vous le trouvez aussi bien sur la page d'accueil du SPV, c'est-à-dire du Wallonie-Marie-Wallonne, et ceux de la Fédération. Et donc, ouais, par exemple, là, précisément, c'est pour organiser un événement culturel, et après, il va peut-être vous demander si c'est théâtre, patrimoine, etc. Et donc, il affine de plus en plus les choses à faire. Alors, donc là, c'est, je vous renvoie au site des administrations concernées, sauf que je n'ai pas mis les trois de la région Wallonne, parce qu'ils sont tellement longs, et que si je les réduis, vous arrivez trop loin du site, donc je vous laisserai la recherche. Ce sera un bon exercice. La région de sa capitale, j'ai lu, contactez le KMDC, le ministère de la région de sa capitale. Et pour ce qui est la fédération, c'est la suite, c'est que je vous dis, hein, si vous ne connaissez pas encore, c'est triste parce qu'il y a un agenda, il y a des offres d'emploi, de stage et tout ça, sur ce site-là. Alors, ben voilà, je vous disais que les trois, c'est les communes, elle est très vite parce que c'est la seule DIA. Donc, vous trouverez toutes les informations pour les provinces sur belgium.be, blablabla. Et pour les cités, les communes, il y a les communes de la région du Sud-Capital d'une part et l'Union des villes et communes de Wallonie de l'autre. Parce que ce n'est pas les mêmes entités. Et là, il faut chercher. Il n'y a pas moyen de faire un modèle.